Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Bravo. Ça tombe très bien, vous allez voir. Bonjour les amis. Si vous tombez bien, ça va alors. Salut. Ça va Guillermo? Oui, ça va très bien. Ouais. Alors je sais que ça n'a qu'un lien distendu avec vos vies qui vont à du 100 à l'heure. Mais ce soir et dimanche, je partagerai une scène avec la sémillante humoriste belge Laurence Bibot au profit des sans-abri. Alors évidemment, ça se passe en Belgique. Si je devais jouer en France au profit des sans-abri, ça leur rapporterait de quoi s'acheter deux Capri-Sun et un tuc. ici, j'ai pas du tout la notoriété nécessaire pour qu'on m'associe à quoi que ce soit. Mais si. Vas-y, j'ai eu une demande. C'était une ONG qui lutte pour défendre l'utilisation traditionnelle des rognons de porcelet dans je sais plus quelle soupe. Vous avez besoin que je remplace quelqu'un au pied levé. Nagui ayant décidé d'arrêter le dîner spectacle qu'il organisait pour eux depuis une trentaine d'années dans la plupart des flunchs de France. Mais sachez Nagui qu'avec moi la bande des engraissés est entre de bonnes mains. L'équipe va s'étoffer, là j'attends une réponse de Victor Lanoux. Mais j'ai bon espoir. Le Graal, ce serait évidemment de récupérer Gigi Goldman. Gigi, maintenant qu'il est libre, évidemment, hein, s'il faut rendre un service, graisser une patte, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Alors, si je vous parle de cette initiative au profit des sans-abri, c'est pas juste pour vous prouver que je suis autre chose qu'un chroniqueur à faible potentiel d'émerveillement comique, c'est aussi pour questionner le rapport délicat entre les artistes et les causes caritatives. Ah super, on entre enfin dans le cœur du billet de l'action. Alors absolument Lila, elle est touchante votre impatience, mais laissez-moi développer deux secondes. Sur les réseaux sociaux, l'initiative en faveur des sans-abri a donné lieu à deux types de remarques qui m'ont vachement interpellé, qui m'ont vachement donné envie de crever dans un incendie. Le premier reproche qu'on m'a fait, c'est qu'une fois arrivé à un certain degré de micro-notoriété, les artistes se découvrent subitement un cœur. À cela, je réponds à cet internaute, eh bien, tu marques un point, Dylan Marcel, prénom d'emprunt. Oui, je respecte l'anonymat des internautes. C'est classe. Si l'association de défense de l'anonymat des internautes nous écoute, je suis sur le marché là. J'attends, j'ai peu de temps libre, mais beaucoup d'envie. Alors de fait, à la suite de son poste, j'ai listé l'ensemble des actions que j'avais entreprises au profit des sans-abri avant d'être médiatisé. Ta notoriété, bah oui. Eh bien, c'est calme. Hein. C'est calme, hein, c'est calme. Sur la feuille, il reste de la place pour un beau dessin, un sudoku et une reconnaissance de dette. Mais pour paraphraser Jérôme Cahuzac dans sa quête de vérité, mieux vaut tard que jamais, quand même, évidemment. Alors, le truc, Dylan Marcel, c'est évidemment que quand on te sollicite pour jouer en faveur des sans-abri, si tu réponds « j'en ai rien à foutre » et que tu raccroches, t'es vite catalogué. On se dit vite que tu préfères les gens avec abri. Alors, c'est pas facile de refuser de donner son image à des causes, parce que c'est souvent pour des causes justes et révoltantes qu'on t'appelle. Il y a personne qui m'approche pour me dire « tiens, on organise un petit festival identitaire au profit de la mairie de Béziers. Ça s'appelle Génération Stand-Up de Race Blanche. Du coup, on s'était dit que vous, comme vous faisiez du stand-up et vous êtes de race blanche. » Ah non, évidemment, ça n'arrive jamais. Et c'est dommage, ceci dit, c'est pas parce que j'officie sur une radio de protopunk à chien que je suis ferme à toute proposition. Robert, si tu nous entends, je suis sur le marché là. Mais non. Dès que j'ai goupillé les engraissés Flunch Tour 2017, je suis à toi. Alors le deuxième type de reproche qu'on m'a adressé touche à l'opposition entre la charité et la solidarité. Mm-hmm. Ah. Et c'est là, je réponds à cet internaute, tu marques un point, Eglantine Patricia, prénom d'emprunt. Alors en sous-entendant que j'étais l'idiot utile d'un système qui détricote la sécurité sociale et qui utilise les artistes pour cautionner l'emplâtre sous une jambe de bois qui est la démarche caritative, tu m'as obligé à faire une hyper longue phrase. Alors que Nagui est formel, au-delà d'où il molle les gens zappent sur Europe 1. Je risque ma place à cause de toi. C'est ça que tu veux, un drame social? Alors puis, Eglantine Patricia, la pertinence de ta remarque m'a vraiment colonisé l'esprit. Il y a plus de doutes là dans ma tête que dans d'emplois fictifs chez les Fillon. Alors je sais qu'il faudrait idéalement que je joue mon spectacle au profit de l'association de défense des achats groupés d'arbalètes en vue d'une insurrection citoyenne instaurant un système plus juste où personne serait obligé de dormir à même le sol. Je sais ça. Voilà, ça a pas raccourci mes phrases. Si cette association nous écoute, ben j'attends leur coup de fil. Quoi. J'ai une grosse envie là. Et je connais personnellement Victor Lanoux. Allez, bonnes amis. La bande originale. Nagui sur France Inter.